You're listening to Cartel Records. Appelle-nous monsieur, seulement le Montana. J'perds pas mon temps, le temps c'est de l'argent. Ils sont nuls à chier, j'suis dans les bons coups. Leur tirer dessus, est-ce que ça vaut le coup? Ça parle beaucoup, de buter des thunes. Moi j'ai rien vu, à part sur YouTube. J'claque mes thunes, en écoutant leur tube. Les guerriers rotules, priorité la rune. T'as vu, ouais on connaît, qu'est-ce qu'ils croyaient? Laissez aboyer, eux ils vont se noyer. Oui tu me connais, j'vais pas rigoler. Sale comme un isolé, j'dois payer le loyer. Tout ça troupé. Faut d'imbéciles, y'en a qu'un qui décide. Histoire de top, pour cap de geôlier. J'ai un faux baveux, ils m'ont mis le collier. Ouais, je les ai prévenus, ils m'ont pas cru. Laisse-les couler, ils nous ont pas mérité. La vérité, je m'en bats les couilles. Eux, je les sens pas, ils sont louches comme une douille. Moi, j'en ai où là, je te dois des sous. Y'a qu'avec les meufs que toi t'as fait le fou. Tu veux que je la serre, je suis trop occupé. J'ai des trucs à faire, je dois finir mon couplet. Fuck, bitch. Elle est open, je chante pas par hauteur. J'suis trop stylé. Elle veut que je la serre, j'suis trop occupé. J'suis trop stylé. Y'a du fric à faire, ouais, tout au hauteur. J'suis trop stylé. Le nuit est à terre, là, tout est coupé. J'suis trop stylé. Elle est open, je chante pas par hauteur. J'suis trop stylé. Elle veut que je la serre, j'suis trop occupé. Cartel Records.